Oui, mon cher Michel, moi aussi j'ai été piqué en maintes fois par ce virus. Et à te dire franchement, je n'ai jusqu'à présent pas trouvé l'antidote. Fais-moi signe si toi, tu l'as trouvé, d'accord? Oui, nous allons maintenant dans le bord du train, où nous attend notre chère et tendre amie Dalida. Et cette fois-ci, elle va nous chanter. Quoi? Qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Le temps des fleurs. Le temps des fleurs. Tout juste après, elle enchaînera avec « Pour ne pas vivre seul ». Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps, et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul, de ne pas vivre seul. Ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, elle envoie des garçons, épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont amis et on les réunit, qu'on vienne les soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Il est temps d'arrêter le train maintenant, car la randonnée est terminée. S'il vous plaît, appelez-nous pour nous faire part de vos commentaires au numéro 818-20-25 ou bien sur l'internet xeudo.tk ou sur le iPod, écrivez le train de la musique.blogspot.com. Encore une fois, mille merci d'avoir gardé l'écoute. Nous vous disons donc à dimanche prochain, 8h, sur le 820 AM, Radio Universitaire de Mochis. Bonsoir.